Selon News 1 sud-coréen, le Rassemblement des avocats pour une société démocratique de Corée du Sud a envoyé une requête urgente à l'ONU à propos de la violation des droits des citoyennes nord-coréennes enlevés par les autorités sud-coréennes. Déplorant que le centre de renseignement a refusé sa demande de la rencontre des nord-coréennes pour vérifier leur sécurité et leur asile, le Rassemblement a réclamé que le rapporteur spécial des Nations Unies doit exiger des autorités sud-coréennes de prendre des mesures conformes à la norme internationale et dénoncer leur violation de cette norme.